Oh yeah! Bienvenue à Playback, une capsule à voyager dans le temps qui vous retourne vers la décennie 80. Et ce soir, Hair Bands and Power Ballads, ces bands hard rock extravagants aux sonorités heavy metal, mais qui nous ont aussi produit de puissantes ballades accrocheuses pour aller chercher cette belle petite clientèle féminine. Prêt pour le voyage? Alors sortez vos pantalons en spandex, vos vêtements pseudo-sadomaso, maquillez-vous en pitoune sortie tout droit de l'enfer, and bang your head tonight on Playback. Vous écoutez la radio Playback et ce soir, Hair Bands and Power Ballads. Il y en a sûrement qui ne savent pas c'est quoi ça, des hair bands. On peut aussi appeler ça du hair metal. Ça, c'est un terme qui appartient exclusivement aux années 80. C'est un terme dérisoire décrivant les groupes hard rock et heavy metal de l'époque, mais qui avait aussi une approche et une production plus pop. Les groupes du temps détenaient un look et une image très particulière, influencés par le glam rock des années 70, mais en plus poussé encore. Les looks et l'esthétique de ces bands étaient principalement très androgynes et à la fois très bad boy. C'était la génération MTV, quand l'industrie du vidéoclip était à son summum, donc l'image était primordiale. On parlera de tout ça un peu plus en profondeur tout au long de l'émission. On a ouvert l'émission avec Quiet Riot et Metal Health, Bang Your Head, tiré de leur troisième album intitulé Metal Health, de 1983. Ce groupe avait été fondé entre autres par le grand guitariste Randy Rhoads, le guitariste principal de Ozzy Osbourne, lorsqu'il est décédé d'un accident d'avion en 1982. Comme deuxième pièce, nous avons entendu le groupe Dokken avec la chanson Dream Warriors de 1986, sortie de leur album Back for the Attack, ainsi que sur la trame sonore de Nightmare on Elm Street 3, ou en autres termes, Freddy 3. La troisième pièce était réservée au groupe Rat avec leur hit Back for More de 1984, tiré de leur premier album Out of the Cellar. Et on a fini ça avec Alice Cooper. La plupart ne savent pas que Alice Cooper, au départ, c'était le nom de son groupe. C'est éventuellement devenu son nom d'artiste, son vrai nom étant Vincent Fournier. Non, ce n'est pas un Français ou un Québécois selon les petites légendes urbaines. C'est un Américain né à Détroit et on a entendu son succès Poison tiré de son album Trash en 1989. Alors, on commence le premier bloc de Power Ballads et on start ça avec un duo de feu entre Lita Ford et Ozzy Osbourne avec un de mes all-time meilleurs Power Ballads, la pièce Close My Eyes Forever. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a child in tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? You stick me in the heart and chase the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and darkened grave? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? 18 and life, you got it. 18 and life. De retour avec Pat Moore, on a ouvert ce dernier bloc avec le duo de Lita Ford et Ozzy avec l'excellente pièce Close My Eyes Forever, tirée du troisième album de Lita Ford intitulé simplement Lita de 1988. Lita Ford qui était ex-membre et guitariste du band The Runaways avec Joan Jett, j'en ai parlé il y a quelques semaines au spécial Rock. On a ensuite entendu la formation Skid Row avec leur classic power ballad 18 and Life, tirée de leur premier album éponyme en 1989. On a enchaîné par la suite avec le groupe suisse Crocus, avec leur excellente chanson Screaming in the Night de 1983, tirée de leur septième album Headhunter. Et on a terminé ce dernier bloc avec le band Cinderella avec leur succès Nobody's Fool de 1986, tiré de leur premier album intitulé Night Songs. Le phénomène du hair metal est né principalement à Los Angeles, plus précisément sur le Sunset Strip, une étendue de bars et de nightclubs sur à peu près 2,5 km de long sur le Sunset Boulevard à Hollywood, un endroit où la régulation est très très clémente et c'est très très facile de tomber dans les excès et la grosse débauche. Surtout quand t'es en plein cœur de Hollywood, donc imaginez-vous comment que le nightlife pouvait être pour les bands pis les fans de l'époque. Si vous avez vu le film The Dirt, le film biographique sur Motley Crue, ça donne une petite idée de la scène qui pouvait se passer à l'époque sur le Sunset Strip. Bon, c'est le temps de continuer en musique avec le band The Cult avec Love Removal Machine sur Playback. She was there.

Vous écoutez le spécial Hair Bands and Power Ballads. On a commencé le dernier bloc avec The Cult et Love Removal Machine de 1987, tiré de leur troisième album intitulé Electric. The Cult, issu de la Grande-Bretagne et non de Los Angeles, ils ne faisaient pas partie de la scène glam rock à leur tout début, jusqu'au jour où ils se sont relocalisés à Los Angeles vers 1988. C'était un band crossover entre du rock alternatif et le hard rock, et leur image est un petit peu un hybride entre le style gothique et le glam rock. Je vous ai ensuite passé le groupe Poison avec leur succès Talk Dirty to Me, premier extrait sorti de leur premier album Look What the Cat Dragged In en 1986. Band de la Pennsylvanie qui s'est localisée rapidement à LA, et c'est à partir de ce moment-là que le groupe a commencé à avoir du succès. Ensuite, on a écouté le groupe LA Guns et la pièce Never Enough, tirée de leur album Cocked and Loaded de 1989, un groupe qui a été formé en 1983, mais qui n'a pas eu d'album avant 1988. Le chanteur Axl Rose a déjà été le frontman de LA Guns avant de se joindre à Guns N' Roses en 1985. Ce qui fait un bel enchaînement avec la dernière pièce du bloc étant justement Guns N' Roses et leur pièce Night Train, tirée de leur premier album, le classique Appetite for Destruction, en 1987. Un album qui s'est vendu jusqu'à maintenant à 30 millions de copies dans le monde entier, un des plus gros vendeurs de l'histoire. Comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt dans l'émission, l'esthétique est un facteur primordial dans le hair metal. Au niveau de l'image, les performances et les productions. Les performances live étaient très théâtrales, beaucoup de lumière, beaucoup de laser, beaucoup de pyrotechnie, et les musiciens devaient flasher autant visuellement. Mais ils devaient aussi être très performants sur le plan musical. On pense surtout aux guitaristes soloistes qui étaient la plupart du temps très talentueux et qui prenaient beaucoup de place dans les chansons. Des gros solos très exubérants dans chaque chanson, on pouvait jamais en avoir assez. Le terme « guitar shred » et le terme « guitar hero », ça vient exactement de cette époque-là. Et ça vient pas d'un jeu vidéo sorti depuis 2005. Et il y avait bien évidemment les chanteurs qui devaient être absolument flamboyants dans leur prestance et leur performance vocale. C'était les chanteurs qui venaient attirer principalement le fanbase féminin. Et, bien entendu, les Power Ballads. En parlant de Power Ballads, on continue avec une pièce du groupe Europe et une belle petite chanson qui s'appelle tout simplement Carrie. We've been through this before. when lights go down. Smoking room, not about to end. voice that used to fill the room is all but gone. An echo of a perfect love that ended wrong. Girl, we tried so hard when love was on our side. And yesterday for sure. Ooh. Vous écoutez Playback et on a ouvert le dernier bloc avec un groupe de la Suède, le groupe Europe, avec la chanson Carrie tirée de l'album The Final Countdown en 1986. Comme le nom du groupe l'indique, ils étaient clairement pas de Los Angeles. Par contre, leur style et leur image s'apparentaient pas mal à l'esthétique des bands hard rock ou glam rock du temps. L'album Final Countdown était le troisième album du groupe Europe et le premier à être distribué par l'étiquette mondiale Epic Records. L'album a été un gros succès et se vendait à 15 millions d'exemplaires mondialement. On a par la suite entendu le groupe américain Bon Jovi avec Never Say Goodbye, tiré de leur troisième album Slippery When Wet, sorti en 1986. Slippery When Wet est un album important à l'époque du hard rock et un album très important dans la carrière de Bon Jovi. Avec cet album, ils ont été carrément propulsés au niveau du rock stardom. L'album contient des classiques comme You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive et évidemment Living on a Prayer. L'album est resté numéro 1 des meilleurs vendeurs pendant 8 semaines et s'est vendu à 28 millions de copies dans le monde depuis. On a ensuite enchaîné avec un band américain du nom de Giant avec leur excellente power ballad I'll See You in My Dreams de 1989, tirée de leur album Last of the Runaways. Quand j'entends cette chanson-là, je peux pas m'empêcher de penser à ma blonde parce que c'est une de ses chansons préférées. Et on a terminé avec un gros morceau avec le titre Love Bites du groupe britannique Def Leppard, tiré de leur quatrième album Hysteria, sorti en 1987. Un autre album au succès monstre et mondial avec 25 millions de copies vendues dans le monde depuis. Def Leppard, qui dans leur début faisait partie du New Wave of British Heavy Metal, un sujet que j'aborderai lors du spécial Heavy Metal dans les prochaines semaines, Def Leppard n'arborait pas tant l'esthétique des glam rockers, mais leur approche et leur production musicale avec un son hard rock mais avec des touches très pop faisant en sorte qu'ils sont toujours restés associés au créneau hair metal ou hard rock des années 80. Et on continue en musique avec l'ultime band hair metal, Motley Crue, avec la chanson Too Young to Fall in Love. Open your eyes, it's like murdering. up and I don't know what to do. And then I look in your eyes and you look at my eyes. I must be dreaming, I must be dreaming. Flashback, heart attack, every time I see your face. Flashback, heart attack, ooh, you drive me wild. Flashback, heart attack, so much to win like I do. Oh, living the life of an angry young fool, standing in the shadows, I gotta stay cool. And then I look in your eyes and you look at my eyes. I must be dreaming, I must be dreaming. Flashback, heart attack, every time I see your face. Flashback, heart attack, ooh, you drive me wild. Flashback, heart attack, someone come and take me away. Take me away. a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? Ça, c'est du rock! On a ouvert le dernier bloc avec nul autre que les Bad Boys du hair metal, Motley Crue avec Too Young to Fall in Love de leur deuxième album, Shout at the Devil de 1983. C'est l'album qui a fait sortir Motley Crue du Sunset Strip et qui les a fait connaître un peu partout. C'est à partir du succès de cet album que leur carrière a complètement décollé ou complètement déraillé. C'est une question de perception, à vous de juger. Personnellement, moi, je suis un fan d'eux depuis tout ce temps-là. Mais je vais simplement vous conseiller d'aller voir le film The Dirt sur Netflix. Un peu romancé et imprécis par moments, mais ça vaut la peine et c'est divertissant. Pas mal. On a ensuite entendu le groupe Eazy-O, formation du Japon. Et oui, le genre et la tendance du hard rock, glam, hair metal faisaient des petits et devenaient de plus en plus populaires sur le plan international. On a entendu leur pièce Flashback Heart Attack, tirée de leur album éponyme Eazy-O de 1987. Cet album était produit par Gene Simmons de Kiss et c'était leur premier album à être signé sur l'étiquette américaine Geffen Records. Et Easy O abordait justement un look très similaire à celle du groupe des années 70, Kiss. J'aurais pu vous passer du Kiss des années 80, mais je devais faire des choix un peu déchirants. Ça m'aurait pris un show de 3 heures et plus, donc on fera ça pour une autre émission. La troisième pièce était réservée au groupe californien Autograph et leur seul succès, Turn Up the Radio de 1984, tiré de leur premier album intitulé Sign In Please. Et on a terminé ça avec le légendaire band californien Van Halen et la pièce Hot for Teacher de leur sixième album de 1984 intitulé 1984. Si vous vous rappelez de l'émission Solid Rock sur la chaîne télé de Musique Plus, Hot for Teacher était utilisé pour l'intro de leur émission réservée au vidéoclip heavy metal. L'album 1984 est le dernier album avec le line-up original. Le frontman David Lee Roth a quitté le groupe en 1985. Cet album s'est vendu une quinzaine de millions d'exemplaires aux États-Unis, mais il n'a jamais été capable de franchir le numéro 1 des meilleurs vendeurs d'albums dans les palmarès. Il a dû se résigner à rester numéro 2, et ce pendant 5 semaines, à cause de l'album Thriller de Michael Jackson qui était complètement indélogeable à sa position numéro 1 en 1984. Van Halen n'était pas un groupe qui était aussi flamboyant que tous les autres groupes glam metal, mais ils avaient l'attitude, ils étaient très wild et très très showman. Ils ont parti le bal à Los Angeles à la fin des années 70 en popularisant ce style. Un tas de groupes qui ont sorti par la suite ont été clairement inspirés et influencés par eux. On repart ça avec un bloc de power ballads, avec ce qu'on appelait les W bands, les groupes W. Je vous en reparle après le bloc. Et on commence ça avec Whitesnake et Is This Love sur Playback. Is this love that I've been searching for? Is this got a picture of your house, and you're standing by the door. It's black and white and faded, it's looking pretty worn. See the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, as long as I'm the hero of this little girl. Heaven isn't too far away, closer to it every day. No matter what your friends might say, how I love the way you move and the sparkle in your eyes. There's a color deep inside of like suburban sky. When I come home late at night and you're in bed asleep, I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. I don't need to be a superman, as long as you will always be my biggest fan. Build again. When the the children cry. Let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we're all gonna live with love and peace. No more presidents and all the wars we'll end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world done. All that we destroyed, you must build again. No more presidents and all the wars we'll end. One united world under God. When the children cry, let them know Baby Making Music, all right. Et on termine le dernier bloc de cette émission qui a franchi le 2 heures. Wow, ça c'est une première. Et on a commencé ça avec le groupe Whitesnake et leur succès Is This Love de 1987, tiré de leur album éponyme et leur 7e en carrière. On a ensuite écouté le band Winger et leur pièce Heading for a Heartbreak, tiré de leur premier album éponyme en 1988. Ensuite de ça, on a écouté une autre formation de LA, le groupe Warrant, avec leur succès Heaven, tiré de leur premier album Dirty Rotten Filthy Stinking Rich de 1989. Le chanteur Jenny Lane est décédé en 2011 d'intoxication d'alcool aiguë. Et on a terminé le dernier bloc de l'émission avec White Lion, avec la pièce When the Children Cry, tirée de leur deuxième album intitulé Pride de 1987. Alors, je vous avais parlé des W Bands, groupe W, Whitesnake, Winger, Warrant, White Lion. Le pire, c'est qu'il y en a d'autres, j'aurais pu en passer d'autres, mais on manque un peu de temps. Et pour conclure, comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, le hair metal appartenait exclusivement aux années 80. Car le mouvement a pas mal commencé en 1980 et s'est pas mal terminé pile point en 1990. Aussi, dans les années 80, le thrash metal, étant très underground, étant la contre-culture, l'antithèse et l'ennemi numéro un du hair metal, commençait à prendre de plus en plus de territoire. Aussi, autre facteur très important à mentionner, le grunge rock étant à ses tout débuts à la fin des années 80, c'est le grunge rock qui a pas mal fini par anéantir le règne et l'époque du hair metal. Alors, sur ce beau petit cours d'histoire, je vous laisse là-dessus et comme la nouvelle tradition le veut, je vous laisse avec une petite dernière. Juste avant, je veux simplement vous dire que vous pouvez partager cette émission sur les réseaux sociaux et faites vos commentaires, vos mentions et vos shout-outs. Ça sera grandement apprécié. La semaine prochaine sera réservée au spécial One Hit Wonders. Vous savez, les succès sans lendemain. J'en avais parlé il y a quelques semaines, donc manquez pas ça. Et d'ici là, gardez le cap et gardez le focus. Je vous laisse sur ce classique intemporel de Scorpions. À la semaine prochaine, tout le monde. Try, baby, try.